Dossier 2. Livre, page 23. Question A. L'enseignante demande aux élèves d'où ils achètent leurs provisions. 1. Leïla. On achète toujours le pain à la boulangerie d'à côté. 2. Zouher. Ma mère achète tous les gâteaux d'anniversaire ici, dans cette pâtisserie. 3. Zena. Nous, les œufs, le sucre et le fromage, on les achète au supermarché de notre quartier. 4. Jade. Pour acheter de la viande, on va à la boucherie.